Hélène, boule de neige et dents pointues. Hélène, une jolie petite fille aux longs cheveux blonds et aux magnifiques yeux bleus, habitait une maison en bordure de forêt avec son papa et sa maman. Un beau jour, Hélène décida de se promener dans la forêt pour cueillir des fleurs. En chemin, elle aperçut un écureuil qui grignotait des noisettes. De jolis oiseaux qui chantaient sur les branches des arbres. Puis des papillons aux ailes multicolores. Mais dents pointues, le gros loup gris errait dans la forêt. Tout à coup, il entendit les pas de la petite fille. Oh là là, quelle jolie petite fille! Je me la mettrai bien sous la dent. Il bondit sur elle et l'emprisonna de ses pattes. Hélène appela à la rescousse son oncle magicien. « Boule de neige, boule de neige, au secours, à l'aide !» Abracadabra, méchant loup deviendra gentil lapin. À cet instant, le pelage de dents pointues devint roux. Il se transforma en un petit lapin aux longues oreilles qui se sauva aussi vite qu'il le put. Il fut recueilli par une maman lapin qui lui donna pour prénom Lily. Hélène remercia son sauveur, l'oncle boule de neige, qui lui fit promettre de ne plus s'aventurer seul dans cette grande forêt. Et ceci fait, ils rentrèrent tous les deux à la maison.